ぜいぜい。おお。Étincelle devenue flamme, pas de monsieur sans madame. Le monde peut nous haïr, la difficulté m'attire. Rien ne m'éloignera de toi, les gens les blâment, etc. Sans toi c'est même plus possible, comment j'ai fait jusqu'ici. J'irai partout où tu iras, chez moi c'est entre tes deux bras. Mille et une manières de le dire, moi je préfère te faire ressentir. Tu as ma loyauté, et mon corps de la tête aux pieds. Avec toi c'est tout ou rien, je vois pas le verre à moitié plein. Je veux tout de nous. Facilement sur